Unité 79. L'expression du but. Exercice 2. Bonjour, je suis le directeur du centre et je vous souhaite la bienvenue. Afin que ce séjour se passe le mieux possible, voici quelques consignes. Respectez-les afin que chacun d'entre vous puisse bien se reposer. Le petit déjeuner est servi dès 7 heures afin que vous profitiez des soins avant midi. Par ailleurs, afin que le médecin connaisse la situation de chacun, laissez votre dossier au secrétariat. Vous pourrez aussi, afin de vous détendre, utiliser nos installations 24 heures sur 24. Le soir, évitez le bruit afin de garantir la tranquillité de tous. Bonne installation à tous !